Mas... É o perdão. É o caralho. Je émanchement liquidien et émanchement acétique. D'accord. Et ensuite, vous démarrez votre conduite de dernier cycle étiologique facilement. D'accord. Et vous allez prendre ça en théorie, comme c'est intégré, et vous allez, à chaque fois, dès que vous recevez une visite, vous allez la convertir en pratique. Alors, en fait, rapidement, vous allez y finir, est-ce que c'est une acide? Le malade vient vraiment avec une acide? Est-ce que il ne s'agit pas d'autres problèmes? Et il faut rechercher les... D'accord, on va voir tout ça ensemble. L'acide, on a dit que c'est un épanchement péritoneal, libre, dans la grande cavité péritoneale, pour l'oisonner. D'accord? Pour l'oisonner dans la cavité. Soit résultat d'un transfusant. Transfusant, ça veut dire qu'il y a le même mécanisme. Hein, une étoile de millimètre sanguine peut causer une acide. À cause de la pression osmotique. D'accord. Donc, l'eau va sortir du milieu là où il y a la moindre teneur en protéines, vers le plus concentré. Il va sortir du compartiment sanguin. Ensuite, nous avons l'exsudation. L'exsudation, c'est à travers un tissu inflammatoire. D'accord. C'est une exsudation, un suintement. Un suintement du liquide qui est inflammatoire. D'accord. Voilà, le diagnostic est positif, il faut savoir reconnaître votre acide. Vous avez défini l'acide, c'est un épanchement liquidien péritoneal, et ensuite, vous devez la reconnaître encore plus. Il y a des cas faciles, il y a des cas difficiles. Les cas faciles, quand on a une acide de moyenne à grande abondance, c'est un diagnostic clinique facile. Parce que nous avons une augmentation du périmètre abdominal. Ce n'est pas la palpation qui fait le diagnostic de l'acide, c'est Anna. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des lives, dans le cas de et mobile avec les changements de position. Ça, c'est donc le cas de l'acide. Elle est de moyenne abondance. De grande abondance, vous avez une inondation sous l'abdomen. Vous pouvez même explorer les organes, comme le foie et la rate, et vous aurez le signe du blason concernant le foie et la rate. D'accord. Ensuite, vous faites un toucher rectal ou bien toucher pelvien chez la femme, toucher pelvien, et vous allez avoir des cuves de sac qui sont bombées et rémitants. Et en même temps, vous devez passer à la recherche de nodules péritoneaux. Ça va vous orienter vers quoi? Vers encore plus la pathologie maligne. Voilà. Les cas difficiles, quand il s'agit d'une acide de petite abondance, on ne peut pas la mettre en évidence, ni à la percussion, ni à la palpation, rien. Avec une acide cloisonnée, c'est difficile cliniquement, mais on aura une matité en damier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on fait la percussion, on tombe sur des ondes de matité et des ondes de sonorité. C'est ça le damier. Vous connaissez le damier? Ensuite, quand le sujet est obèse, le sujet obèse chez la femme enceinte, d'accord? Tout ça, un diagnostic qui est difficile. Le diagnostic, d'accord. Donc, le diagnostic d'une acide de petite abondance et le diagnostic d'une acide associée à une grossesse, un paniculatif très important. Comment on va faire le diagnostic? Écho. Très bien, ça sera un diagnostic échographique. On va envoyer le malade en radiologie pour faire une échographie abdominale. Parce que l'acide de petite abondance siège au niveau du pelvis. Et ensuite, cette échographie va nous aider aussi à faire la ponction. On ne peut pas faire la ponction d'acide à la base dans le cadre de l'acide de petite abondance, panicula d'hyper important, acide avec une masse, et en cas de grossesse. Donc, ça sera une fonction équilibrée. D'accord? Donc, une contribution de la part du radiant. Donc, une acide peut être produite par la première fois par qui? Un généraliste. Donc, il ne faut pas se dire, donc, si vous serez un généraliste et vous recevez une acide, ce n'est pas la peine de leur dire, ce n'est pas notre problème. Il faut commencer ces démarches hein, au départ. Et ensuite, dès que vous aurez une orientation, vous allez orienter le malade avec vos orientations. S'il s'agit d'un problème cardiaque, vous l'orientez en cardiologie, sinon en gastro-entérologie. D'accord? Donc, vous allez faire la fonction basique vous-même. Et vous êtes autorisé dans tous les services confondus, chirurgie, gastro-entérologie, à pratiquer la fonction basique. D'accord? Il faut faire d'initiation. Il ne faut pas rester comme ça, les bras croisés, dans les couloirs, hein, discuter. Il faut quand même demander à l'interne et à résident de faire la fonction basique. Hein. Il ne faut pas vous dire non. D'accord? Et celui qui va vous dire non, vous allez le voir. D'accord? Je parle des gens qui sont en gastro-entérologie. Je ne vais pas me mêler et me déplacer vers la chirurgie pour leur dire, vous allez les laisser faire la fonction. Une fois que vous avez reconnu l'acide, il faut éliminer ce qui n'est pas assez. C'est très important. Si vous avez une différence, éliminer ce qui n'est pas étrangement étudiant, la personne. C'est très évident. Vous allez avoir une grossesse égoïste. D'accord. Un globe vésical, un globe vésical important, c'est de monter jusqu'à l'embryon. Un piston varien, un piston dentaire, un mycorhize organisme, je pense que cliniquement, vous pouvez l'éliminer, bien qu'il y a certains racines, surtout chez le sérotique, vous aurez une matité difficile hein, dans l'examen clinique, parce que c'est un malade qui a fait déjà une hémorragie digestive, pour laquelle vous avez administré du la gifle plutôt du diuphalate pour la lutte contre l'encéphalopathie hépatique et vous aurez un météorisme abdominal qui va hein, masquer un petit peu votre matité, la matité devient un petit peu minée. L'obésité, éliminer ce qui n'est pas épanchement acide. C'est un épanchement liquidien mais qui n'est pas acide. Le mécanisme est différent. Soit c'est un hémopéritoïde, soit une rupture d'un organe intra-abdominal, comme les hémangiomes hépatiques peuvent se rendre hein, et donner un hémopéritoïde. C'est l'épanchement sanglant, d'accord, c'est le sang dans le péritoine, soit un traumatisme abdominal. D'accord, vous éliminez le polypéritoine, rupture de voie biliaire ou bien de la vésicule biliaire ou fistule dans la cavité péritoniale ou bien une péritoine. C'est la fonction de la consommation d'un kyste hydatique. Vous les éliminez. D'accord. Et ceci, vous allez l'éliminer forcément suite à un examen à une fonction d'aspect clinique et de l'aspect macroscopique de l'acide vous permet d'éliminer ces diagnostics différentiels, sauf si vous avez une acide hématique. Vous aurez un liquide zéro hématique. Et ça va vous orienter beaucoup plus vers les pathologies malignes ou bien vers quoi vous avez traumatisé un paquet vasculaire lors de votre trajet de la fonction. D'accord. Il faut savoir faire la différence entre les deux. Bien sûr, la clinique qui a une grande place dans la prise en charge des malades, en interrogeant le malade, vous n'allez pas avoir. Rien à voir, plutôt, donc rien, ni tumeur vascularisée, ni notion de traumatisme. Là. Alors, voilà. Les diagnostics chirurgiques, l'interrogatoire est capital, c'est les premiers temps de l'examen clinique, c'est l'étape clinique de votre enfant chirurgique, il ne faut pas la brûler, il ne faut pas passer à côté de la clinique et vous vous précipitez vers les examens complémentaires, parce que si vous, vous allez surmonter cette étape, vous allez vous retrouver avec une panoplie d'examens complémentaires donc interminables. D'accord. Vous allez tout demander hein, sans être orienté. D'accord. À la recherche de quoi, bien sûr, l'âge, le sexe, le bassement, le terrain, l'état associé. Le terrain, c'est la notion du contage tuberculeux. Le malade, est-ce qu'il avait un contact avec un tuberculeux précédemment ou bien actuellement? Est-ce qu'il a une tuberculose pulmonaire, des signes de tuberculose pulmonaire? Est-ce que le malade a une vaccination, BCG contre la tuberculose? Et la notion de contage viral. Quel type de virus? Parce que tous les virus, c'est les hépatites B et C qui peuvent donner une cirrhose hépatique. Notion de contage viral, vous cherchez quoi? Notion de. Vous avez fait la cirrhose hépatique, certainement. Ils vous ont parlé de la notion de contage. Notion de tatouage, de scarification, de rapport sexuel non protégé, de transfusion sanguine non contrôlée, etc. Et notion de toxique, de prise de toxique, des médicaments, de la phytothérapie, tout ça. Ça va vers la notion via la recherche du cirrhose hépatique. Et à chaque fois que vous recherchez une notion, via vous recherchez bien sûr un interrogatoire, vous dites toujours notion. Ce n'est pas vous qui avez rapporté cette idée. C'est le malade qui vous rapporte ça. Vous mettez toujours notion 2. C'est le malade, selon le dire du patient. Vous allez confirmer ça petit à petit à l'examen clinique et ensuite par les bilans corps. Ensuite, après l'interrogatoire en milieu, vous allez faire un examen clinique. Bien sûr, on ne va pas examiner l'acide déjà été dans le diagnostic positif, a été répondu. Ensuite, on va faire l'examen clinique et bien sûr, nous avons en tête quelques analyses étiologiques. D'accord. À la recherche des pathopathies, des signes en faveur des pathopathies chroniques. Ou bien cirrhose hépatique. Il y a une différence entre la pathopathie chronique et la cirrhose. La cirrhose, c'est l'étape ultime, la dernière étape de toutes les hépatopathies chroniques. D'accord. On recherche en quoi? En faveur du cirrhose, les signes d'HTP. Ligne, bien sûr, c'est ligne. Vous n'allez pas rechercher des varices œsophagiennes à l'examen clinique. CVC, la circulation veineuse collatérale, une acide, peut être un signe d'HTP, comme elle peut être une complication de la cirrhose hépatique. D'accord. La splénomigale. Madame, les hémorragies digestives fortes. Les hémorragies digestives fortes. Ça peut se voir dans ce cas-là. En cas de complications, il y a les varices. C'est une complication de la cirrhose. Ouais. Mais on n'inclut pas dans parmi les signes d'HTP. Ouais. Non. On va dire plutôt recherche de varices osophagiennes à la fibroscopie. Mais on n'est pas dans ce cadre-là, on est à l'examen cliné. Et ensuite, l'insuffisance hépatocellulaire, vous la connaissez, c'est bien, peut-être mieux que moi. Vous allez rechercher des signes d'insuffisance cardiaque droite morale. Vous allez rechercher des signes de péricardie constrictive. Et je pense que vous êtes passé par la cardio avant d'arriver à la personne. Non, pas encore. Alors, dès que vous faites la cardio, vous allez voir les signes d'insuffisance cardiaque droite. Les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est la turgescence des jugulaires. Pathologie Guiller. Vous pouvez faire une pression sur le toit, vous aurez une, un refuge sur les jugulaires, je sens. Une hépatomégalie douloureuse, congestive, qui n'a rien à voir avec le syndrome d'HPV, et des œdèmes, des membranes de la mère. Très bien. Pour les signes cardiaques, pour la péricardie transfective, vous allez entendre un frottement, des bruits se rajouter à type de frottement, signe de voilà, persistant, et j'ai oublié les autres signes, donc vous allez voir ça en cardiologie. Signe de maladie tumorale, soit de maladie pré-occlusion intestinale aiguë, inexpliquée, et avec l'acide, on va tout de suite penser à une carcinose péritonéale. Carcinose péritonéale, c'est la métastase péritonéale d'un cancer, soit digestif, soit ovarien, gynécologique ou autre origine. Voilà. Et le signe d'anasa. Qu'est-ce que c'est l'anasa ? Quand le malade est inondé. Donc toutes les séreuses sont inondées. Le péricarde, la lèvre, le péritoine, les œdèmes, les morphines, il y a partout d'anasa. Comme les océans. Comme ça. D'accord. Et syndrome néphrotique, les maladies de pancréas. Et bien maladie de pancréas. Des signes de pancréas. D'accord. On n'est pas encore. On n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous faciliter un petit peu la tâche. La fonction d'acide, c'est un examen qui est facile pour nous les médecins, pour les malades. On va ressentir seulement une piqûre d'aiguille, sans douleur, sans rien, mais qui peut être muni de complications si vous ne surveillez pas le malade. Vous allez enlever, surtout dans le cadre d'une ascite ou bien d'une ponction évacuatrice, vous allez brancher le malade et vous allez partir. Vous allez le laisser seul, sans surveillance, peut-être qu'il va tomber en état de choc. Alors, vous pouvez faire la fonction d'acide est une étape fondamentale dans l'exploration de l'acide. Sans ça, vous ne pouvez pas faire le plan de l'acide devant une acide. Voilà. Elle est évacuatrice et elle est exploratrice. D'abord, on commence par l'idée de l'exploratrice. On explore quoi ? On retire le liquide. L'aspect du liquide. Donc l'étude macroscopique. Soit le liquide, il est jaucitrin. Jaucitrin, c'est le plus clair, c'est le jaucitrin. Ou bien louche, en cas d'infection. Ou bien séro-hématique. Ou bien l'actescent. L'actescent dans l'acide chileuse. L'acide chileuse, c'est la malabsorption des liquides. D'accord ? Donc il y a une malabsorption. Là où il y a une élevation de triglycérides et de lipides dans le liquide acide. Vous aurez un aspect lactose. Comme le lait. Aspect macroscopique. Ensuite, liquide. Qu'est-ce que la liquide? Ensuite, pour l'exploration, vous allez faire trois tubes. Vous allez recueillir trois tubes. Le premier tube, pour études biochimiques, vous allez l'adresser au laboratoire de biochimie pour poser quoi? Premièrement, ça va venir l'après-midi. Par exemple, si vous envoyez ça le matin, vous aurez les résultats l'après-midi. Donc, c'est un test qui est très rapide. Par contre, les autres, vous allez attendre. C'est trop bon. On va doser quand même les triglycérides, l'amylase, LDH. Les ADA, adénosine, déamine. Les aminages. C'est dans le cadre de la tuberculose. C'est un bon paramètre pour diagnostiquer la tuberculose péritonéale. On fait quoi aussi avec l'étude biochimique. L'acide, il y a l'uronique. Vous êtes orienté vers une tumeur péritonéale positive. On va voir après. Donc, vous demandez l'acide hyaluronique. D'accord. Elle deuxième tube au laboratoire de cytologie pour la quantification des cellules dans le liquide d'acide. Des globules blancs, mais avec un équilibre lymphocytaire et polynucléaire, etc. Et vous allez rechercher les cellules mésothéliales s'il y a des cellules anormales, cellules malignes. D'accord ? Les cellules malignes, vous devez, ou bien le cytopathologiste doit rechercher tous ces signes. Un troisième tube en bactériologie. Bactériologie, examen direct, surtout dans le cadre de la tuberculose, examen direct, examen coloration, décoloration de Bunsen-Johnson, il y a une culture, culture de bêta sur le milieu de l'obstin de et ensuite, il y a la recherche d'autres bactéries, surtout dans le cadre de l'infection de liquide acide. De la cirrhose hépatique, vous devez isoler le germe qui est généralement un BGR, un acide gras négatif, généralement chez les chiens. D'autres explorations, l'échographie complétée par une TDM à la recherche de masse intra-abdominale, une TDM intra-thoraco-abdominale, la recherche de tumeurs. De part et d'autre, d'accord, qui peut expliquer cet acide. Et on peut faire même une insufflation de l'air, on vide l'acide, ensuite on insuffle de l'air pour créer un pneumopéritone. On fait une petite incision, on introduit le trocar sur le sous-ombilical et on va examiner les deux feuillets péritonéaux, viscérales et pariétales. Et on va voir la face inférieure du foie, examiner toute la cavité péritonéale et ensuite ça va nous permettre de faire des blocs. C'est un examen qui est invasif. D'accord. Actuellement, on peut recourir au chirurgien. On va demander au chirurgien de faire la cilioscopie. C'est très facile comme geste par rapport à la laparoscopie. La laparoscopie, je l'ai vu. Donc, c'est un examen qui est très, très, très dur. Il est très dur pour le malade et aussi, il est invasif. Il n'est pas simple, il n'est pas. D'accord. Voilà. Les écologies. Donc, vous allez préférer organiser votre enquête écologique, bien vos écologies, par rapport à quoi ? Par rapport aux organes, bien par rapport à la nature de l'acide. Je préfère la. Il n'y a pas moi qui préfère. Tout le monde préfère, et c'est des recommandations internationales, de faire la recherche éthologique en fonction de la nature de l'acide. Devant une acide transsudative, les éthologies possibles sont là. Soit c'est le foie, soit c'est le cœur, soit c'est le rein, soit c'est l'ovaire. D'accord ? Donc vous oubliez les autres causes des acides exsudatives. D'accord ? On va commencer par la cirrhose parce que c'est la cause la plus fréquente des acides. L'acide est une complication de la cirrhose hépatique. C'est les hépatopathies, cirrhose, cystosomiase ou la cholété, c'est la bilharziose hépatique. L'hypertrophie régénérative, l'hyperplasie régénérative, c'est tout. Ces étiologies ressemblent à la cirrhose, mais ne sont pas des cirrhoses. La cystosomiase, ce n'est pas une cirrhose, c'est un syndrome d'HTP non cirrhotique. La sarcoïdose, elle peut aussi évoluer vers la cirrhose, mais l'HTP idiopathique. Tout cela peut donner une la cirrhose, la cause la plus fréquente de la cirrhose. C'est vrai. Le mode d'installation de s'occuper. Secondairement, il y a des racines, poste et moi. Voilà. Soit au dépôt d'une chirurgie, soit une infection, parce que le sérotique est un niveau déprimé, donc il est sujet aux infections, de toutes les infections. Et à partir de là, il peut faire toute perturbation de son équilibre homéostatique, donc peut donner une acide. D'accord. L'acide aminique va aller à fondant et la recherche de cette insuffisance. Et bien, vous savoir rechercher la cirrhose hépatique. Donc, et quelquefois, le malade vient avec une acide, sans savoir qu'il s'agisse d'une cirrhose hépatique. D'accord. C'est le premier mode de révélation de la Alors, dans tous les cas, l'acide, donc la cirrhose, elle est transudative dans tous les cas. Seulement, dans certains cas, elle devient exudative. Dans certains, par exemple, la greffe néoplasique, une cirrhose qui a évolué depuis longtemps, et là, le malade, il a fait une greffe néoplasique, le cœur qui n'est pas trop cellulaire. Et une autre complication de la cirrhose, l'acide, elle devient exudative. Dans le but qui arrive aussi, le but qui arrive, c'est la thrombose, l'occlusion d'au moins deux veines, des veines sus-hépatiques, des trois veines sus-hépatiques. C'est un bloc supra-hépatique qui peut aussi donner une cirrhose, qui peut évoluer vers la cirrhose. Et même l'acide du but qui arrive, dans la plupart des cas, elle est exudative. L'infection du liquide acide, une autre complication qui peut se surajouter sur l'acide. Malade, il y a une acide, il peut y avoir une infection spontanée du liquide acide. On l'appelle pourquoi ? On l'appelle spontanée. Spontanée parce que il n'y a pas. Spontanée parce qu'il y a une translocation bactérienne à travers une perméabilité intestinale. Parce que le malade a un syndrome d'HTP. Si vous prenez le malade microscopiquement, vous allez retrouver un syndrome d'HTP, pas uniquement des varices œsophagiennes, surtout le tube digestif. Donc le tube digestif qui est congestif, qui est hyperminé, et même l'intestin aura une hyperperméabilité. Donc, les bactéries qui siègent au niveau du côlon bien de l'intestin vont traverser cette barrière intestinale perméable et vont être vers la cavité péritoneale et va donner une infection spontanée du liquide acide. D'accord. L'infection du liquide acide, elle est quelquefois mortelle, un pronostic sévère pour agir rapidement, mettre en route un traitement antibiotique. Pas prophylactique, un traitement antibiotique, type de quoi l'augmentant, ou bien laissé par le l'uropinolol, on lui donne en cas de prophylaxie de l'infection, c'est le norfloxacine qui est le neuroxine. D'accord. Alors, vous allez suspecter une infection d'uropinolol sur quoi? Le malade vient avec une acide, certainement. Il a une diarrhée ou bien des frissons. Il a une diarrhée, peut-être, une douleur abdominale. Il peut avoir une toux, des brûlures mixtes, un foyer infectieux et un point de départ infectieux. D'accord. Pour rechercher une porte d'entrée, faites une radio du thorax, un ECTU, faites l'examen. Parasitologie des aides, et même pour le moment des frissons ou bien des pics fébriles, vous faites une hémoculture pour isoler le germe. D'accord. Et la fonction d'acide, bien sûr. Ne faites pas une fonction d'acide évacuatrice. D'accord. Vous faites la fonction d'acide évacuatrice. Donc on va pouvoir étudier bien sûr les taux de protides et ensuite à la recherche du germe. Il faut isoler le germe pour commencer une antibiothérapie. Il ne faut pas faire des examens. Il faut l'examen bactériologique, avant ou bien après avoir mis en route un traitement thérapeutique. Ce sera bon. D'accord. Donc tout ça, ça sera très rapide les machines. D'accord. Vous commencez votre antibiothérapie, 48 heures après, vous allez refaire la fonction d'acide, vous allez recontrôler la stérilisation de votre acide. D'accord. Très bien. Quelquefois, le malade a une acide, il n'a pas d'infection de l'acide. Mais certains cas, ils nécessitent un traitement préventif et prophylactique de l'infection du liquide d'acide. Donc nous avons trois cas. L'acide hémorragique. Deux, antécédent d'infection du liquide acide. Le malade, dès qu'il fait une acide, vous mettez le malade sous traitement. Troisième cas de figure, c'est le taux de protides inférieur à 15 grammes. Vous corrigez, hein, c'est 15 grammes. Hein? 15 grammes par litre. 15. D'accord. Quand vous prenez le président, nous avons consensus de l'ISEL 2000, ils ont fixé le taux de protides à 15. Il était à 10 avant. Mais maintenant, il est à 15 grammes par litre. Vous faites la fonction d'acide, vous trouvez un taux de protides inférieur à 15, vous mettez le malade sous antibiotiques. Il va laisser le malade jusqu'à ce qu'il fasse une infection réelle. D'accord. Post-hémorragique aussi, vous mettez le malade sous antibiotiques. Ça va être une antibiothérapie. Le traitement de l'acide, en dehors de l'infection du liquide acide, le but du traitement est assécher votre acide. D'accord, on va pas avoir comme objectif le traitement de la cirrhose hépatique, mais seulement assécher l'acide pour améliorer la qualité de vie du patient. On va recommander un retour au lit, un régime hyposauvé. Voilà. Au bout de quelques jours, si le malade ne répond pas, on va administrer les diurétiques. On commence par les diurétiques distaux, à titre de spiruite, l'actant, l'aldactone, à 75 mg. On va donner, on va atteindre la dose maximale efficace. Donc, un traitement, il doit être progressif. Donc, on doit atteindre progressivement la dose maximale efficace. Maximale efficace jusqu'à 300 mg par jour. Si le malade ne répond pas à cette dose, ça veut dire qu'on doit associer un autre diurétique. C'est des diurétiques proximaux, un type de l'azilix 40 mg par jour. Si le malade ne répond pas, ce sera une assiette résistante au traitement réfractaire. Et ça va être l'objet d'autres thérapeutiques comme depuis le traitement radiologique de type, ou bien les anastomoses chirurgicales orthocales, ou bien, vers la fin, c'est une indication à la transplantation hépatique qui est le traitement idéal de la cirrhose hépatique. D'accord, est-ce que c'est clair? C'est quoi les tips? Les tips, c'est la transjugulaire. Ils vont passer, ils vont faire un shunt, le shunt de Levin. Levin, donc on est intra-péritonéal. Mais ils font un tips à travers la veine jugulaire, ils vont l'introduire intraportal pour évacuer l'excès du liquide. C'est une technique radiologique, mais les tips, les anastomoses chirurgicales sont corrélés à un risque de rosténose, hein, de sténose à 50% des cas, 6%. Tout le monde l'évite et préfère la transplantation. Je pense qu'il n'existe pas. Comment dire, elle était gratuite, la transplantation. Partant en France, par exemple, elle coûte vers les coûts de 100 millions d'euros. Elle est très chère en France, elle est payante. Il ne faut pas croire. Ici, c'est la charité. Ici, en Algérie, on faisait ça à Alger, à l'époque, en 2005-2006, on faisait des transplantations hépatiques. Il y avait une équipe de la France qui vient. C'était un Algérien qui travaille la transplantation hépatique. à Rennes, en France. Il vient chaque mois. Maintenant, on lui fait le programme, on lui prépare les malades, etc. Avec une équipe multidisciplinaire, constamment, chaque mois. Ça marchait très, très bien. Alors, il vient chaque mois, il trouve ses malades bien préparés, on lui prépare le dossier complet, des examens très approfondis, en corrélation avec les hématologues, on fait des colloques multidisciplinaires, de vrais colloques, multidisciplinaires, entre hématologues, réanimateurs, hépatologues, et chirurgiens, et immunologues. Tout le monde participe à ce colloque parce que c'est très important. C'est la vie du patient qui va coûter très cher. En plus, ce colloque, on va sortir bien sûr pour mettre en lumière et en évidence votre indication à la transplantation. Il y a un bilan comme ça. Quelques examens qui sont invasifs. Et vers la fin, je lui dis par vous, il n'y a pas d'indication à la transplantation. Non, il ne faut pas, bien sûr, au départ, donner d'espoir aux malades. Vous allez lui dire, peut-être on va vous faire une transplantation hépatique. Il va coller à cette idée-là, il va être en dépression après. Vous allez créer une dépression mentale pour votre patient, qui est une contre-indication à la transplantation. Et même les psychologues et les psychiatres participent à ce colloque. Ensuite, l'équipe de Rennes vient, de chirurgiens, quel est le mouvement, il s'appelle comme ça, il vient chaque mois, il fait la transplantation avec des réanimateurs locaux d'Alger et il y a beaucoup de réussite. Enfin, elle s'est arrêtée malheureusement. Les assiettes. de l'Ouest. Mais nous, on a inversé la liste. Sans pandémie, les pays du tiers-monde, la tuberculose vient en premier. Dans notre service, on a vu plein de tuberculose péritonéale. Plein. Il y a des lits de même, des lits qui ne se vident pas de la tuberculose péritonéale. Un malade sort avec une tuberculose. Lorsque je viens le dimanche matin, je trouve une autre acide exudative et c'est une tuberculose. Heureusement, tuberculose péritonéale a commencé par cette étiologie qui est très fréquente dans le pourtour méditerranéen, même dans les champs italiens, en Espagne, ça existe la tuberculose, hein. C'est le pourtour méditerranéen, et on appelle parfois la cite essentielle de la jeune fille méditerranéenne. On l'appelle comme il faut rechercher la notion de contrainte tuberculeuse, rechercher une tuberculeuse évolutive, latente ou patente. Vous recherchez aussi des signes d'imprégnation tuberculénique. Quels sont les signes d'imprégnation? Vous êtes passé par la pneumonie? Oui. Les signes d'imprégnation. Si vous êtes passé par la pneumonie, vous ne connaissez pas les. Qu'est-ce que vous avez fait? On va voir quoi. Mais c'est pas clair. Voyez les feuilles. C'est déjà des c'est ça l'évolution de la tuberculose péritonéale. Si vous ne traitez pas le malade à temps, il va faire ses adhérents. Ça sera très très difficile à traiter. D'accord. Mais voilà, dès qu'on va voir endoscopiquement, on va voir l'aspect, donc on va faire comme si des grains de couscous blanchâtres sur les feuillets, les deux feuillets. C'est ça l'aspect typique de la tuberculose. Ça va nous permettre de faire des biopsies. L'étude des fragments biopsiques, vous n'allez pas envoyer seulement l'anaphage pour l'étude histologique à la recherche de follicules de Pasteur et la nécrostaseuse. Aussi, vous allez envoyer des fragments vers les bactéries, la recherche de dégâts dans ces biopsies et la PCR. On traite avec le schéma national RHZ et RH. 2 RHZ et 4 RH. Au bout de 2 mois, vous allez contrôler le mal. Bien sûr, les premiers jours, bien les premières semaines, vous allez contrôler la toxicité du traitement parce que c'est une chimiothérapie antituberculeuse, elle est lourde et on peut avoir des effets secondaires mineurs bien majeurs. Pour contrôler le malade, de près, chaque semaine, chaque 15 jours après, vous allez faire un bilan hépatique, un bilan rénal, une FNS sanguine, une FNS plutôt, et vous allez contrôler la toxicité au traitement. L'efficacité au traitement peut se voir dès le premier jour. Donc le malade commence à avoir de l'appétit, un gain pondéral, une diminution du périmètre abdominal, et ensuite l'efficacité radiologique au bout de 2 mois. Vous allez avoir l'assèchement de l'acide par un contrôle échographique. Vous allez commencer et bien continuer votre schéma antituberculeux jusqu'au 6e mois. Il ne faut pas arrêter le traitement antituberculeux au milieu, même s'il y a une réponse, parce que vous allez exposer le malade à des résistances. D'accord ? À des résistances au virus. Et qui sont très très difficiles après à prendre en charge par les. Les tumeurs du péritoine, soit elles sont primitives, soit elles sont secondaires. Elles sont primitives, c'est le mésothélium péritoneal et 50% peut être associé à un mésothélium pleural. C'est une tumeur primitive qui peut toucher, ou bien qui touche tout souvent, les sujets jeunes. C'est une tumeur qui a été, là où on peut accuser, d'exposition à l'amiante, comme ici, l'amiante. D'accord, vous êtes exposé. L'exposition à l'amiante, c'est des constructions préfabriquées. Ils mettent une particule, un produit qui peut, avec des particules qui peuvent s'envoler et circuler dans l'air. D'accord, circuler et pouvez l'inhaler. L'exposition plus de 20 ans, plus de 30 ans, de donner une. Elle est sous-destinée, bon. Les résidents sont les plus rapides. Je vais être spectateur. Certains médecins, dès qu'ils trouvent car si lorsque les témoins le disent aux malades, viens en parlant des malades, des malades vont être à côté de table, Mais actuellement, les recommandations de françaises, les gens qui travaillent, même les carcinogènes de l'économie sont traitables actuellement. Heureusement, ils sont arrivés à un stade de traitement. Dans un carcinose territorial. C'est des nouvelles recommandations. Mais la 2014, c'est une très nouvelle recommandation. Avant, c'est la chimiothérapie, mais actuellement, ils donnent même des thérapies ciblées. Ils traitent mal. Il ne faut pas se dire carcinose territorial égale. Bon, la cause la plus fréquente de l'acide excusative, malheureusement, on envoyait avant les fumeurs chez des sujets âgés. Communément, après 45 ans, 55 ans. Mais actuellement, on en voit plus chez des sujets jeunes. Pourquoi il y a plusieurs facteurs cancérigènes, l'alimentation, l'air, le stress oxydatif, parce que le stress peut être associé à un stress oxydatif dans l'organisme. Le stress oxydatif va libérer les oxydants. D'accord, les oxydants sont cancérigènes. Par exemple, aussi les lésions précancéreuses, maladies ulcéreuses, l'endobrachiosophage. Il y a plein de maladies précancéreuses aussi. Voilà. Et donc, on voit plus de cancers chez les sujets. La carcinose péritonéale, on a deux cas de figure, soit le cancer génétique et le connu, la chimiothérapie ciblée, donc on va cibler en fonction de l'organe génétique, soit l'organe bien mis au génétique n'est pas connu. S'il vous plaît, ne dites pas le pôle clinique. Certains résidents viennent des autres services, ils nous disent, j'ai fait ma lettre de demande de fibroscopie, coloscopie, à la recherche de pôle clinique. Quel pôle clinique? Donc, est-ce qu'on dit pôle clinique? Néoplasie primitive. Pas pôle clinique. C'est quoi un pôle? Foyer primitif. Pas foyer, pas. La néoplasie primitive. Bien le cancer primitif. Le pôle primitif, jusqu'à maintenant, il est entendu par Constantine. Le pôle, quand on a une tumeur, par exemple, au niveau de l'œsophage, bien arrivé. Et on va voir l'extension locale de la tumeur. On dit le pôle supérieur et le pôle inférieur. Mais une tumeur là, on recherche le pôle primitif, j'arrive pas à comprendre. D'accord ? C'est très répandu. Alors, si la tumeur est connue, le malade est connu porteur de tumeur. Qui a traité soit n'a pas traité, et par la suite, il a pris une métastase péritonéale, soit la tumeur primitive n'est pas traitée. Si vous estimez que le malade mérite une chimiothérapie, alors vous allez, il est en bon état général, au MSA, par exemple, bon état nutritionnel. Donc, on doit lui donner des chances dans la vie et rechercher la néoplasie primitive. Le néoprimitif, on le recherche en pratiquant une fibroscopie. On va voir quelles sont les tumeurs fréquentes au cours de la carcinose péritonéale. On va se dire les tumeurs digestives et les tumeurs physiologiques beaucoup plus. Chez l'homme, la prostate, nous avons la thyroïde. Toute tumeur peut donner une carcinose péritonéale. Donc vous allez pratiquer thyroïde, digestive, haute et basse. Une escalaire pour rapport de l'immunité, un examen thyroïdien, un examen gynécologique, examen gynécologique. C'est la femme. Voilà, cliniquement, le malade peut avoir un seul grand occlusion. On appelait avant l'occlusion, les occlusions de fin de vie. C'est des occlusions qui nécessite aucun traitement chirurgical, donc ce sera un traitement médical, décomprimer le malade Vous allez l'assister à la maison, pourquoi pas, ça n'existe pas, mais on doit l'assister par un traitement symptomatique en cas de douleur, en cas de vomissement. Donc on le soulage dans les derniers jours de sa vie. Oui. Madame Dominica, c'est non péritonéal. On peut faire la recherche des marqueurs tumoraux dans le sang. Bien sûr, on fait les marqueurs tumoraux, mais les marqueurs tumoraux donc, n'ont pas de valeur diagnostique. Non. Ils ont une valeur beaucoup plus prononcée. D'accord. Ils n'ont pas de valeur. Est-ce que donc la question qu'on se pose fréquemment, est-ce que lors d'un bilan standard, vous trouvez un marqueur tumoral qui est élevé? Ça vous incite à rechercher la néoplasie, faire le scanner et tout. La question reste toujours sans réponse. Donc c'est des marqueurs à valeur pronostique. Mais ça n'empêche qu'il faut faire des marqueurs. Il faut faire des marqueurs. Au moins, si le malade nécessite une chimiothérapie, on pourra le reconfirmer. Donc, merci Thank you.